Allez, Radio Libertaire 89.4 FM en Ile-de-France. Vous êtes dans l'émission Actualités antifascistes. Bienvenue à tous, bienvenue à toutes. Si vous ne nous connaissez pas encore, sachez que nous sommes présents sur Radio Libertaire tous les 2e et 4e mercredi de chaque mois de 17 à 18h30. Alors aujourd'hui, j'ai un invité présent au téléphone avec nous. Le sujet du jour, c'est l'école. On va expliquer tout ceci dans un petit instant. Le temps pour moi quand même de vous rappeler que vous pouvez nous écouter donc en direct, comme je le disais, sur le 89.4 FM en Ile-de-France, mais également à partir du site anarchiste.info/radio/libertaire. Et donc mon invité aujourd'hui, il s'appelle Grégory Chamba, il est notamment l'auteur chez Libertalia d'un livre qui est sorti il y a 4 ans, L'école des réacs publicains. Il est également par le biais de son site internet, l'auteur d'une cartographie, un peu sur le modèle de celle sortie par la Horde, dont on a parlé plusieurs fois ici, cartographie d'une nébuleuse à l'assaut de l'école, l'école des réacs publicains. Bonjour à toi Grégory. Bonjour. Alors bienvenue à l'antenne de Radio Libertaire, ça nous fait plaisir de t'avoir. Il me semble, c'est ta première fois ici ou pas, où tu es déjà passé? Non, je suis venu, mais dans les locaux, pas à distance, mais je suis déjà passé plusieurs fois. Ouais, aujourd'hui, c'est un peu difficile de se déplacer. En plus de ça, de toute façon, tu m'avais déjà dit parce que toi, on peut le dire, t'es sur Mantes-la-Ville et c'est pour... Exactement. Ouais. Et donc, t'es dirigé actuellement par un... Alors, est-ce que, tiens d'ailleurs, première question, est-ce que le maire, c'est toujours, c'est quoi, monsieur Cyril Naute, c'est bien ça? Ouais, non, on a changé. Ah. En fait, donc moi, je travaille à Mantes-la-Ville, qui est une commune limitrophe de Mantes-la-Jolie, qui est un peu plus connue, donc dans la banlieue ouest, à la limite de la Normandie. Et j'habite à côté, moi j'habite à Limay, et donc effectivement, il y a de cela maintenant 5 ans, à la surprise un petit peu générale, le maire qui a été élu, c'était un maire Front National. C'était donc le premier maire Front National d'une commune en Ile-de-France. Il y avait à Béziers et dans d'autres communes des maires qui ont aussi été élus. Et il se trouve que j'étais enseignant depuis 20 ans dans une commune qui avait choisi un maire Front National, donc probablement les élèves que j'avais eu dans ma classe, certains ont voté pour lui, les familles aussi. Et on reviendra peut-être sur les modalités de son élection. Et il se trouve qu'en plus, ce maire, monsieur Cyril Naute, il était professeur. Oui, il est professeur en lycée professionnel, lettres, histoire. Et de quoi susciter déjà au départ une grosse colère et une grosse interrogation, parce que on s'attendait pas à cette élection. Donc j'ai rédigé un petit texte le soir même, on l'a appris très tard, le soir et le lendemain matin. Et ça a été un peu le point de départ à la fois du livre dont tu as parlé, et puis un peu plus tard pour travailler sur un autre support, la cartographie. Oui, parce que déjà, ce qu'il faut préciser, c'est que t'as pas écrit qu'un seul livre aux éditions Libertalia, mais l'école des républicains, c'est quoi? Est-ce que c'est ton premier livre sorti chez ces éditions ou même chez d'autres, Grégory? Non, j'ai écrit un livre qui s'appelle Pédagogie et Révolution, pareil aux éditions Libertalia, et puis un autre, L'école des barricades. Et l'école des réacs publicains, c'est un petit peu un triptyque, quoi. Dans Pédagogie, Révolution et dans l'école des barricades, c'était aborder les questions pédagogiques d'un point de vue des pédagogies de l'émancipation, leur lien avec le mouvement social et ouvrier, et avec un certain nombre de moments dans l'histoire, de moments révolutionnaires, et puis de figures de pédagogues aussi. Et l'école des réacs publicains, c'était aborder l'autre versant, ce qu'on appelle la pédagogie noire, et qui est cette pédagogie et cette vision de l'éducation portée, on y reviendra certainement, portée certes par l'extrême droite et par notamment en France le Front National, mais aussi portée par toute une série de personnages. Mon livre, il date de 4 ans maintenant, mais quand on voit l'actualité de ces derniers jours, ces personnages, ils sont toujours là et ils ont une audience de plus en plus importante qui se diffuse dans la société. C'est l'idée de cette cartographie sur une nébuleuse, c'est-à-dire qu'il y a pas, il y a un parti au centre de tout ça, mais qui irrigue notamment à travers les médias, mais aussi à travers la société, via un certain nombre de réseaux, de personnalités, de médias et d'actions aussi, de manifestations, d'écrits. Oui. Et voilà. Est-ce que tu peux nous en parler rapidement là, de ces personnages? Parce que, en fait, j'ai la cartographie entre les mains. Alors, effectivement, au centre de ce schéma, on a Marine Le Pen, le FN, devenu Rassemblement National depuis. Alors, la cartographie, quand même, qu'on peut trouver sur Internet, hein, sur le site questiondeclasse.org, tout au pluriel. Bah, déjà, ce qu'on peut en dire, c'est. Alors, elle est datée de l'hiver 2017. Donc, elle est un petit peu obsolète. Hein, là, on voit Florian Philippot qui n'est plus au RN, du coup. On a du Robert Ménard, on a le Rassemblement Bleu Marine qui, pareil, n'est plus spécialement actif. Alors, parmi les personnages que j'ai pu, moi, relever et qui ont pu m'interpeller, on a du Jean-Pierre Chevènement, du Natacha Polony, Éric Zemmour, Jean-Yves Le Gallou. Est-ce qu'on peut faire un rapide retour sur tous ces personnages, un petit peu tous à la fois? Et après, peut-être qu'on se focalisera sur quelques-uns en particulier qui, en ce moment, peuvent compter. Oui. Alors déjà peut-être commencer par l'actualité de cette cartographie. Effectivement, elle date et elle a une valeur par rapport à l'époque où elle a été pensée, elle a été mise en forme. Mais ce qui est intéressant, c'est que elle dégageait trois grands pôles en fait. Un pôle, le premier, c'était un pôle sur les intégristes et les ultra-libéraux en matière scolaire. Mmh. Un pôle sur ce que j'avais appelé les idéologues de l'identité. Un troisième sur les nationaux républicains. Et ce qui est intéressant, c'est que 4-5 ans après, si on enlève les histoires de sigles, si on enlève l'appartenance à tel ou tel mouvement, en fait, ces pôles, ils sont toujours présents avec les mêmes figures et ils se sont même consolidés. Déjà, un détail, effectivement, au centre, c'est le Front National. Mais si on regarde, je l'avais intégré autour du Rassemblement Bleu Marine, aujourd'hui, c'est le Rassemblement National. Donc, on a une fusion de ces deux. Au centre de cette carte, on a une fusion de cette galaxie un petit peu Marine Le Pen. Et puis, il y a effectivement, ça c'est intéressant d'en parler, des personnages qui ont évolué par rapport à leur appartenance, mais qui finalement ont toujours la même place dans cette cartographie. Je peux prendre deux exemples. Marion Maréchal Le Pen. Oui. Donc, qui s'est mis en retrait du Front National, mais en fait, pour être beaucoup plus active au sein de la galaxie dans laquelle je l'avais posée, ne serait-ce que par exemple en créant une école. L'ICEP, ouais. C'est l'ICEP, elle s'appelle, c'est institut sciences sociales, économiques et politiques, si je dis pas de bêtises. Ouais, tout à fait. Et de formation avec quelque chose qui est très important dans. Une référence à la pensée d'Antonio Gramsci, de cette volonté d'établir une hégémonie culturelle. Voilà, exactement. On connaît ça. Bah, et ça, on l'avait déjà en fait dans la carte. Il suffit juste d'effacer le fond de couleur et de mettre Marion Maréchal Le Pen au centre de cette partie, de ce pôle intégriste et des ultralibéraux. Ça reste tout à fait cohérent. Pour Florian Philippot, c'est la même chose. À l'époque, il était au Front National. Maintenant, il a créé son parti Les Patriotes. Mais du coup, il rentre parfaitement dans cette mouvance des nationaux républicains. Et souvent, c'est les sigles qui ont changé. En revanche, les principaux pôles et les principales directions qui sont à la fois, qui peuvent se retrouver en concurrence sur un certain nombre de points, qui ont des visions de l'éducation qui peuvent être très très différentes, mais qui se retrouvent, par exemple, à l'occasion de la Manif pour tous, tous ces gens-là manifestaient allègrement ensemble. Après, juste pour compléter peut-être sur les petites figures que tu as évoquées, enfin les petites figures, certaines sont ne sont pas anecdotiques, un petit mot sur Jean-Pierre Chevènement. Alors, évidemment, cette cartographie, elle a ses limites, elle a ses défauts, mais ce qui est intéressant de noter, c'est qu'elle a soulevé énormément de polémiques. Ah bon ? Il a fallu répondre à plein de choses, et en particulier par évidemment certains qui se reconnaissaient dans des figures présentes ici, comprenaient pas pourquoi. Alors Natacha Polony, par exemple, Jean-Pierre Chevènement. Alors, l'avantage, c'est que le temps, il me donne de plus en plus raison sur l'évolution de ces personnages. Et puis, je l'ai dit en introduction et en préambule, c'est pas une cartographie de l'extrême droite. C'est une cartographie à partir d'un positionnement sur l'école. Et par exemple, Jean-Pierre Chevènement, lui, il a été ministre de l'Éducation nationale Les années 80. Hein, voilà. C'est important, cette date, c'est 1984. Ouais. Et c'est à la fois l'abandon, et pour moi, c'est concomitant. C'est à la fois le ralliement à l'économie de marché, voilà, avec le gouvernement qui est mis en place avec la rigueur. Ouais. Et donc, c'est l'époque des tapis, c'est l'époque de la fameuse émission « Vive la crise », etc. Ouais. Et au ministère de l'Éducation nationale, en remplacement de... d'Alain Savary qui s'était pris une déculottée sur l'école libre. L'école libre, ouais. En étant abandonné par Mitterrand, hein, qui portait vraiment du bout des lèvres cette réforme qui consistait en fait à créer un système un grand unique. Service public de l'éducation, voilà. Qui comprenait aussi les écoles privées et du coup effectivement il y a eu une réaction assez dure. Notamment la joie sur la cartographie, bon, l'Action française et d'autres formations conservatrices. Et effectivement, ça avait causé le départ de monsieur Alain Savary et l'arrivée du coup de Jean-Pierre Chevènement au ministère de l'Éducation. Voilà. Et qui, lui, c'est intéressant, c'est lui, il va théoriser deux choses. Alors, celui qui va instaurer l'apprentissage de la Marseillaise obligatoire à l'école, qui va axer toute sa communication sur la nostalgie d'une école de la Troisième République. Et surtout, il va être l'animateur d'un courant, enfin d'éléments de langage, entre autres, qui vise à remplacer le mot socialisme par le mot république. Et que la gauche arrivée au pouvoir, elle ne va pas viser le socialisme, c'est lui qui le dit dans ces termes-là, parce que c'est un objectif à trop long terme, mais la République. Et là, depuis l'assassinat dont a été victime notre collègue Samuel Paty, on voit bien tout le chemin parcouru et comment cette notion de République est devenue centrale. Mais Jean-Pierre Chevènement, il est aussi l'auteur, quand il est ministre, d'un livre qui s'intitule « Apprendre pour entreprendre ». Oui. Et on voit bien là comment s'articule cet abandon des idéaux émancipateurs de l'école et le ralliement au néolibéralisme qui est tout à fait compatible avec une école autoritaire et une école réactionnaire. Oui. Voilà du coup pourquoi, et puis bon, depuis Chevènement il a quand même très très largement glissé à la droite de la droite, notamment en appelant à faire un front commun souverainiste avec Nicolas Dupont-Aignan, justement sur une convention qui avait pour sujet l'école. Alors ça, c'était il y a 2-3 ans, j'en parle déjà dans le bouquin. Donc il y a une convention à l'appel de Debout la France. D'accord. Où on a Jean-Pierre Chevènement et Nicolas Dupont-Aignan qui font tribune commune pour redresser l'école. Pour redresser la nation, c'est l'objectif. Et dans le public, on a des gens aussi intéressants que Jean-Paul Brighelli, un fameux essayiste très très à droite, mais aussi Bec Bédé, le frère du clown là, qui lui, le frère de qui ça? De je sais plus comment il s'appelle, Bec Bédé l'autre. Bon. Qui lui avait un poste influent au MEDEF. D'accord. Oui, parce que je le vois sur la cartographie, Charles Millon, collectif Phoenix. Exactement. Ouais. Ouais. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire également? Oui, Jean-Pierre Chevènement, aujourd'hui, là, il a rallié la revue de l'autre, Michel Onfray, tout ça, avec Philippe de Villiers. C'est pas étonnant. Hein. Comment? C'est pas du tout étonnant. Non. Moi, ce que j'ai voulu démontrer, c'est comment la question de l'éducation, la question de l'école, elle est décisive pour comprendre ces repositionnements et ces revirements, c'est-à-dire que vraiment, alors ça c'est pas une thèse que j'ai inventée, hein, c'est Jacques Rancière qui en parle dans La haine de la démocratie, il montre comment c'est vraiment autour de la question de l'éducation et de l'école qu'un certain nombre de mots ont basculé. République, j'en ai parlé, démocratie, et puis tout ce qui est rejet de l'autre, et la nostalgie d'un régime en fait et d'un système autoritaire et surtout inégalitaire. Oui, mais la nostalgie s'articule autour de quels axes? Parce que expliquer qu'on est effectivement pour le retour à une école comme ci, comme ça, c'est une chose, mais quelles sont les périodes auxquelles tous ces personnages peuvent faire référence? Quels sont les concepts? J'aimerais bien qu'on explore un petit peu plus. Dans le cas de Chevènement, par exemple, je sais qu'il a rétabli, alors c'était quoi? C'était l'éducation civique, ça s'appelait pas tout à fait comme ça au moment où il l'a rétabli, parce que ça change tout le temps de nom, en plus, cette matière. Mais... C'est la morale à l'école, oui. Oui, mais lui, ce qu'il avait réintroduit... Parce que l'éducation civique, sous je ne sais plus quel nom, avait disparu après mai 68. Ça, voilà, exactement. Et Chevènement a rétabli ça quand il est arrivé dans les années 80. Et aujourd'hui, du coup, ça s'appelle l'éducation morale et civique, si je ne dis pas de bêtises. Ouais. Oui, remis en place par Vincent Payon. Oui, remis en place par Vincent Payon, mais avant ça, il y avait, parce que moi je m'en souviens hein, quand même, il y avait l'éducation civique qui s'est ensuite appelée ECJS, hein, éducation civique, juridique et sociale, et aujourd'hui du coup, éducation morale et civique. Est-ce que tu penses toi que c'est autour de ce genre de matière qu'on peut arriver à faire passer tout un tas de d'idées, réactionnaires un peu négatives tout au moins? Est-ce qu'il y a d'autres, je dirais, supports sur lesquels il est possible de s'appuyer. Explique-nous un petit peu, Grégory. Alors, je vais reprendre à partir de ta première question sur les périodes historiques, parce que je pense que ça peut éclairer le débat et puis me permettre de mieux comprendre quels sont les différents éléments au sein de l'école qui sont visés. Alors, le modèle, celui que tout le monde connaît et auquel ces gens se réfèrent de manière extrêmement forte, c'est celui de l'école de la Troisième République, l'école de Jules Ferry. Cette école de Jules Ferry, donc, elle naît après un certain nombre de lois scolaires autour des années 1880. Et pour Jules Ferry, c'est une école, et pour les gens qui représentent hein, la bourgeoisie ralliée à la République, elle représente plusieurs choses très différentes, enfin plusieurs choses. D'abord, c'est une école de la revanche par rapport à la défaite de 1870, parce que ce qui se dit à l'époque, c'est si la Prusse a remporté la victoire de 70, c'est parce que, en fait, c'est la victoire de l'instituteur prussien sur l'instituteur français, et que l'état de l'enseignement en France a pas permis à l'armée de remporter la victoire. Ça, c'est récurrent, hein. C'est jamais l'armée qui perd la guerre, c'est toujours l'école. on l'a en 1870, en 1914, alors bon là c'est une victoire donc pour la France, donc ça passe, mais en 1940, pour le maréchal Pétain, la défaite face aux Allemands, c'est la défaite à nouveau, hein, c'est parce que les officiers ont eu des instituteurs socialistes. D'accord. Que la France a perdu, et on retrouvera ça un petit peu aussi dans la guerre d'Algérie. Oui. Et donc c'est une école de la revanche, une école nationaliste, une école qui va donc introduire dans les programmes, en plus du lire, écrire, compter, une partie historique pour célébrer le roman national. Oui. Ça, c'est un mot qu'on retrouve dans la bouche de ce que j'appelle les républicains très très fréquemment. Et puis la géographie, puisqu'il faut avoir les yeux rivés sur l'Alsace et la Lorraine, mais aussi sur le grand empire colonial. Absolument. Dont Ferry est un fervent partisan et défenseur, y compris avec des déclarations. Les races inférieures et les races supérieures, ça, il faut le rappeler, ça, à l'Assemblée nationale. Et on parlait tout à l'heure du revirement de la gauche et de ses abandons. Rappelons quand même que François Hollande, sa cérémonie d'investiture, où à chaque fois un président va rendre hommage à un personnage dans lequel il se reconnaît, c'est un hommage à Jules Ferry. D'accord. Oui, oui, oui. Et ça a fait polémique par rapport au Ferry colonialiste, mais on va voir que ça aurait pu faire polémique sur d'autres aspects, puisque il y a une autre revanche à laquelle Jules Ferry, ancien maire de Paris, tient beaucoup, c'est la revanche sur la Commune de Paris. Oui, parce qu'il était maire pendant la Commune. Exactement. Et donc il y a des discours de lui où quand il est en tournée pour présenter sa loi auprès des députés, il justifie très explicitement cette école qu'il veut créer avec deux ennemis, l'ancien régime, comme il l'appelle, c'est-à-dire les écoles religieuses, et puis l'enseignement qu'il qualifie de socialiste et communiste, tel qu'il a pu être défendu et porté par les communards en 1870 et 71. Et ça, c'est extrêmement intéressant, parce que c'est une école qui, je cite à nouveau Jules Ferry, a pour projet de clore l'ère des révolutions. Oui. Mmh. Et il a réussi, hein, on remarquera qu'après après la commune. Voilà. Et donc et ce qu'il faut pas oublier, c'est que cette école de Jules Ferry, et c'est ça qui est sous-jacent à la nostalgie ambiante, c'est une école de la ségrégation sociale. Mmh. Elle est divisée en deux systèmes, totalement hermétiques et avec quasiment aucune transition entre les deux. L'école du peuple, la fameuse école publique gratuite, laïque et obligatoire, qui est destinée aux enfants du peuple et qui s'arrête extrêmement tôt, hein. S'arrête vers 12 ans, enfin, dès qu'on peut mettre les gamins au boulot en apprentissage de l'école. Voilà. Et il faut attendre 36, hein, pour que l'école soit obligatoire jusqu'à 14 ans. Mmh. Et un autre système, qui est l'enseignement qu'on appelle alors l'enseignement secondaire, qui lui aussi est public, mais est payant. Mmh. C'est l'enseignement de l'État, mais il est payant. Il consiste en des études beaucoup plus longues, puisque c'est le collège, le lycée, puis éventuellement la fac. Le bac à l'horizon qui concerne à l'époque 2% de la population, seulement, hein, 2% de classe d'âge plutôt, oui. Et qui a un système primaire qui lui est propre. D'accord. C'est-à-dire que on va pas au collège après avoir été à l'école communale, on va au collège parce qu'on a été dans les petites classes, dans le petit collège. Et il y a des restes de ça. Par exemple, notre système, il commence en 6e, parce que auparavant, dans le petit collège, bah, il y avait la classe de 7e, qui était l'équivalent du CM2, de 8e, l'équivalent du CM1, etc. Ce sont des professeurs différents qui enseignent dans ces deux systèmes, et ce sont des programmes différents, avec au centre de ça, notamment le latin, qui est enseigné qui permet de préparer le collège, alors qu'il n'est pas du tout enseigné dans les écoles de Ferry et dans les écoles communales. Et donc, il y a effectivement une poignée, peut-être une dizaine, une vingtaine de boursiers qui arrivent à passer d'un système à l'autre, mais c'est vraiment les consolations rassurantes, comme on dit, mais c'est une infime partie de la population. Et cette nostalgie de l'école de la Troisième République, elle cache cette réalité, oui, d'une école de la ségrégation sociale. Or, derrière les discours des Zemmour, des Finkielkraut ou des Polony, c'est bien ça, en fait, qui se joue. Oui. C'est en finir avec une école imparfaite. Hein. Je ne sais pas bien si sûr. On aura le temps de développer, mais je suis pas. On a une heure, hein, devant nous, donc. Voilà. Ouais. Et c'est ça qui se joue, c'est-à-dire derrière leur éloge de la blouse grise, derrière. Alors qu'il y a un fantasme, hein. Il n'y a pas eu d'uniforme à l'école, les blouses c'était pour se protéger des taches d'encre. Derrière l'effondrement du bac, j'ai dit tout à l'heure, il faut quand même réaliser 2% d'une classe d'âge qui a le bac, à la veille de la Première Guerre mondiale, ça tourne autour de 4-5%. Mmh. Et tous ces gens-là nous parlent du déclin, du niveau, on le donne à tout le monde le bac aujourd'hui. Voilà. Oui, c'est-à-dire que, c'est ce qu'ils disent. Hein. Il fallait, c'est sympa pour ceux qui l'ont pas déjà, parce que c'est, ça représente, et puis pour ceux qui le passent pas non plus, hein. Bref, c'est Luc Ferry qui avait déclaré aujourd'hui, pour pas avoir le bac, il faut vraiment le vouloir. Moi, Luc Ferry qui a été ministre de l'éducation sous Chirac, il faut le rappeler quand même. Oui. Lui par contre, il a pas été prof parce que, en fait, c'était un emploi fictif. Ah, il oui, était employé à l'université pendant 7 ans, il a touché un salaire de prof, il n'a jamais donné un seul cours et je crois qu'il a été obligé de rembourser. Bah, avec Chirac, les emplois fictifs, c'était normal, hein, de toute façon. C'était une école. Hein. C'était une école, mais que ce soit à la mairie de Paris ou au sommet de l'État. Alors, juste une question quand même, ouais, parce que tu as parlé tout à l'heure, c'est une des premières choses qui m'avait intéressé quand j'ai parcouru ton livre, hein, l'école des républicains, l'enseignement public payant qui donc concerne très peu d'enfants, une très faible partie finalement d'une classe d'âge. Quand est-ce que ce système il a été aboli exactement? Et puis j'aimerais bien également, qu'on refasse un petit rappel des dates concernant l'extension de la scolarité obligatoire, par exemple. D'accord. Donc, le système qui est mis en place par Ferry, il va perdurer et il va faire consensus, évidemment, dans la classe dominante et dans une partie de la population. Et pour ce qui est du mouvement, notamment du mouvement ouvrier, il y a un rejet très net de l'école de Ferry. Mais c'est après la Première Guerre mondiale qu'on va avoir un mouvement dans la population initié par ce ce qu'on appelle les compagnons de l'université nouvelle, qui vont vouloir instaurer ce qu'ils appellent l'école unique, c'est-à-dire la même école pour tous et pour toutes. Mmh. Et ça, leur argument, c'est de dire que bah, les pères ont combattu et souvent ont péri ensemble dans les tranchées. Mmh. Pourquoi les enfants partageraient pas les mêmes bancs de l'école? Et ce mouvement, bah, il est porté par un certain nombre de personnages influents, etc. Et donc, cette école unique, elle est dans les esprits. Et en 1932, on met fin au système payant pour les collèges et pour les lycées. Donc l'école devient gratuite pour tout le monde. Mm-hmm. Mais on remplace ce barrage financier par un examen d'entrée en sixième. Le certificat d'études primaires. C'est la fin de la scolarité. Ah d'accord. Alors c'est un examen, c'est l'examen d'entrée en sixième. Alors, tu peux nous expliquer en quoi il consistait et tout, parce que du coup, je confonds avec le certif, ouais. Moi. Alors, le certificat, c'était ce qui finalisait, pour certains, hein, c'était pas non plus, il n'était pas donné à tout le monde. Mmh. Avant la Deuxième Guerre mondiale, on doit être autour de 50% de reçus, sachant que on n'était pas obligé d'être présenté au certificat. C'est l'instituteur qui décidait les élèves qui présentaient. Et ça, c'est un premier diplôme, en fait, qui valide un niveau scolaire. L'examen d'entrée en sixième, c'est pour pouvoir poursuivre des études, en fait. D'accord. C'est un peu, on pourrait faire le parallèle avec, pour aller à l'université, il fallait avoir le bac, et ça te donnait accès, voilà, là, tu avais un examen d'entrée. Les détails, je les connais pas. Je pense que le latin jouait un très grand rôle dans cet examen, parce que c'était vraiment un outil de distinction sociale. Mais ça veut dire qu'il y avait deux examens, je te coupe, ça veut dire qu'il y avait deux examens Non, ils ne le passaient pas. Non, à ceux qui se destinaient à aller au collège, ils n'en avaient rien à faire du certificat d'études. Eux, ils visaient le bac. Oui, d'accord, mais du coup, les autres, il y avait pas, il y avait encore ce système de double scolarité, du coup, je ne comprends pas bien la situation. Alors, progressivement, tu as une fusion entre les deux. À partir du moment où, pour entrer en sixième, c'est fondé sur un examen, bah, les classes du petit collège, elles vont disparaître. Et ça va être notamment un des motifs de grogne dans les camps conservateurs. Mais on va arriver à un système unifié. Mm-hmm. Et je pense qu'on doit avoir ça dans les décisions aussi, et appuyé par Jean Zay, ministre de l'Éducation nationale du gouvernement du Front populaire, plus tard. Et c'est lui qui va, pour avancer dans les dates, c'est lui qui va instaurer la scolarisation obligatoire jusqu'à 14 ans. Mm. Ce qui n'était donc pas le cas avant. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'elle concerne y compris les enfants étrangers. Oui. Parce que c'était pas le cas avant. Nationalité. Non, avant, ils avaient... avant, les enfants étrangers, la plupart du temps, ils étaient accueillis dans des écoles mises en place par les patrons pour les migrants polonais, italiens, etc. Et non pas dans le système public. Okay. Donc, pour le patronat, c'était un moyen de stabiliser sa population et sa main-d'œuvre. D'accord. Ouais, j'aimerais vraiment qu'on finisse, parce que du coup, je m'y retrouve quand même pas tout à fait avec cette histoire, avec ces examens là. Alors donc, tu me dis qu'il y avait un examen d'entrée donc en sixième, mais qui n'était pas obligatoire pour ceux qui venaient de l'enseignement payant, c'est ça? Alors ça, c'est, t'avais l'enseignement payant jusqu'en 1932. D'accord. À partir de 32, l'école devient gratuite jusqu'au bac. D'accord. Et donc, ils mettent fin à cette sélection par l'argent. Mm. Mais comme c'était quand même assez assez terrible comme décision à prendre pour la classe dominante, ils disent, oh là là, si on ouvre l'école à tout le monde, sur les bancs du collège et puis du lycée, on va se retrouver avec n'importe qui, ça va être l'effondrement du niveau, etc. Donc, il faut qu'on mette une barrière. D'accord. D'entrée. Et donc un examen qui fait que tout le monde ne pouvait pas aller au collège. Alors peut-être que je perçois ton questionnement, c'est que faisaient les autres alors? Oui. Donc voilà, ceux qui avaient suivi des études éventuellement jusqu'au certificat de fin d'études, il y avait le primaire supérieur, on appelait ça, et que donc c'était un moyen de poursuivre pendant 2-3 ans encore des études. ça visait ce qu'on pourrait appeler les classes moyennes, ça visait des élèves qui étaient qui s'en sortaient pas trop mal et qui réussissaient bien dans leurs études. Mmh. Et puis après, tu avais une distribution, l'entrée à l'école normale d'instituteur qui était une des formes de promotion. Voilà, bah, c'était une école particulière. Donc ils n'allaient pas au collège ni au lycée, mais ils allaient à l'école normale. Et puis, par exemple, tu avais les concours de la poste, tu avais les concours de la fonction publique ou l'entrée en apprentissage. Ouais. Donc le collège, il concernait qu'une petite partie de la population. Oui, mais cette école primaire, cet enseignement primaire supérieur, il était conditionné à l'obtention du certificat d'études ou pas ? Là, tu me poses une colle, je pense. Oui, d'accord. Ah oui, non, parce que c'est intéressant de se poser la question, parce que effectivement, quand on analyse cette école dont peuvent être nostalgiques certains intellectuels et tout ça, bah, on se rend compte déjà, bon, l'inégalité, ça, elle est évidente, mais effectivement, la multiplicité des barrages lorsqu'il s'agit d'évoluer à travers ce système, parce que la finalité quand même de cette école de Jules Ferry, etc., c'est de former des travailleurs et des travailleuses, mais c'est aussi de former des soldats en fin de compte, parce que ça, c'est une chose dont on va peut-être parler au mois de décembre. L'école de Ferry, dans les lois Ferry, notamment je crois celle de 1882, en fin de loi, il y a un article qui prévoit que pour les garçons, à l'école primaire, il y a des cours de préparation militaire. Mmh. Okay. Ouais. Et que pour les filles, il n'y a pas ça. Pour les filles, il y a des cours d'aiguilles, un truc comme ça. Enfin, en gros, on perçoit assez vite l'affaire. C'est-à-dire que les garçons sont formés à faire la guerre, donc par rapport à la revanche sur l'Allemagne et aussi par rapport à l'expansion coloniale. Et les filles, en gros, sont formées à coudre les uniformes de ces garçons qui vont partir faire la guerre. On a ça, cet aspect des choses. Et on va sans doute y revenir en décembre, mais on peut déjà en dire un petit mot maintenant, parce que ça, voilà une orientation idéologique de l'école de Jules Ferry. C'est ce qu'on appelle les bataillons scolaires. Oui. Et donc, avec uniforme, fusil en bois, etc., on apprend à marcher au pas aux jeunes garçons. Ça prend naissance aussi dans notamment la Ligue de l'Enseignement, qui est créée un petit peu avant la Commune, dans les années 1860, pour pousser à l'instauration d'une école publique gratuite et obligatoire. Et ce qui est intéressant, c'est la devise de la Ligue de l'Enseignement à cette époque. Heureusement, elle en a changé, mais c'est pour la patrie, par la plume et par l'épée. D'accord, oui. Et donc, on a vraiment le côté guerrier de cette école qui est présent, qui est marqué. Et puis, les bataillons scolaires, en fait, ils vont pas durer très très longtemps, mais c'est l'ancêtre des cours de sport. Oui. Ils vont être remplacés par l'enseignement physique. Et ce qui est, progressivement, c'est ce qui va mettre un peu au rebut les bataillons scolaires, qui sont aussi un peu ridicules. Enfin, il n'y a pas une adhésion folle, d'autant plus que pour les instituteurs qui vont commencer un petit peu à se conscientiser, la question du nationalisme, elle va devenir assez centrale et ils vont la remettre en question, au point que la seule organisation syndicale qui tout au long de la guerre va refuser l'Union sacrée, la première, c'est la Fédération nationale des syndicats d'instituteurs et d'institutrices. Et c'est assez marquant parce que ils vont être le fer de lance de l'opposition à l'Union sacrée. Et c'est assez remarquable, quoi, de voir. Et là, du coup, évidemment, tous les discours sur les instituteurs internationalistes, les traîtres à la patrie, etc. Ça vient de là, mais les hommages qu'on a vécu ces derniers jours, il y a ce climat aussi et cette suspicion qui est dans la bouche de certains. Oui, le rôle de l'armée. Bon, les accords. Bah tiens, on n'a pas parlé des accords école-armée, Monsieur Chevènement. Ah bah oui, c'est vrai, ça tient. Ça vient de lui aussi. Et puis la journée de défense, l'enseignement, c'est assez hallucinant. Hein. Il faut feuilleter quand même certains manuels d'histoire-géographie et de NC là sur la présentation de l'armée. C'est quand même un point qui est très présent, au point qu'il y a deux ans, dans l'Académie de Versailles, il y a eu un stage à destination des personnels de direction. Oui. Des photos ont fuité, tu les as peut-être vues, où on a vu nos chefs en treillis. D'accord. En opération commando, suspendu à des cils, etc. Quel chef ? Et les chefs d'établissement, les principaux, les proviseurs, les principaux adjoints, et donc formés par l'armée, dans le cadre d'une semaine comme ça de stage. On n'avait pas trop le rapport direct avec notre travail et l'intérêt pour un chef d'établissement d'être en tri, mais je sais pas, vu les mobilisations lycéennes, c'est peut-être à ça qui pensait et qui se préparait, il y a toujours c'est un des piliers de la République, l'armée comme bien l'école sûr. Donc et la police, hein, il y a les accords école-police aussi qui existent. Et ça fait partie de la panoplie d'un certain nombre de revendications, le salut au drapeau, la Marseillaise chantée main sur le cœur, le Oui, c'est intéressant parce que pour moi, il y a deux choses que je relève. Déjà, en fait, si tout à l'heure je parlais de l'enseignement aux préparations militaires qui ont existé au début, dans les lois Ferry de 1882, c'est parce que, effectivement, au mois de décembre, on va peut-être parler de ce qu'a été le mouvement des Croix de Feu dans les années 30. Et en fait, moi, si on n'en parlera pas aujourd'hui, mais moi, si je m'intéresse à ça, c'est aussi parce qu'on peut trouver un héritage de la fameuse Ligue des Patriotes de Déroulèdes. Et d'où sortait cette Ligue des Patriotes ? En fait, des sociétés de tir et de gymnastique qui pouvaient notamment exister à travers l'école. Parce que pour pouvoir prendre sa revanche sur l'Allemagne et étendre l'Empire colonial, il fallait effectivement des enfants entraînés physiquement qui avait quelques notions militaires dès le plus jeune âge. Donc ça, c'est un chapitre sur lequel on reviendra peut-être, sûrement même, le 9 décembre prochain. Par rapport aux accords entre l'école et l'armée, c'est super intéressant parce que dans 15 jours, on va recevoir ici, par téléphone, normalement Mathieu Rigouste, qui en parle dans son bouquin « L'ennemi intérieur ». Il en parle des accords école-armée initiés par Chevènement. J'aimerais qu'on revienne un peu plus en détail sur ces protocoles d'accord, hein, comme c'est nommé, si tu as de la matière là-dessus. Et par rapport à la police, développe, des comportements un peu analogues par rapport à l'école, ce serait intéressant, et on a le temps en fait, parce que là, il est 17h39. On est à l'antenne jusqu'à 18h25. C'est ce que je veux dire. Donc on a du temps quand même. J'aimerais bien... On est là, faut que les auditeurs et les auditrices y tiennent jusque-là. Ah mais ils vont tenir, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Simplement, je voulais finir mon petit speech parce que la police, tu vois, quel lien on peut faire avec l'école aujourd'hui rapidement ? Il y a le système REP+, tu vois, réseau d'éducation prioritaire et tout ça. Moi, à travers ça. Bon, à travers ce dispositif qui sera intéressant de creuser, on a également en parallèle les zones de sécurité prioritaires du ministère de l'Intérieur et qui sont en général calquées sur les dispositifs REP+, etc. Donc, est-ce qu'on peut faire un petit point sur tout ça, les protocoles d'accord entre l'armée et l'école, plus entre guillemets le cloisonnement scolaire par le biais des REP et des REP+, en lien avec les zones de sécurité prioritaires. Alors, beaucoup de questions. J'avais en tête des choses aussi qui pouvaient éclairer peut-être un peu déjà historiquement et voilà, pour essayer d'arriver à ta question. Alors, moi, mes travaux et mes luttes sur le protocole armée-école datent un petit peu, donc j'ai pas des souvenirs forcément très frais. Par rapport à ce que tu me disais, ce que ça m'a évoqué, c'est d'abord, tu parlais, il faut des élèves formés, des élèves, il faut aussi des enseignants. Oui, bien sûr. Il faut former. Et le modèle des écoles normales, c'est un modèle à la fois inspiré. Donc, les écoles normales, c'était les centres de formation des instituteurs et des institutrices, donc qui avaient un aspect très très religieux, d'où leur habit. C'est assez marrant l'expression des hussards noirs de la République, parce que en fait, c'est c'est un habit calqué sur celui des religieux qu'ils avaient. Donc, je vois pas bien en quoi ça incarne le, voilà. Mais, ces écoles normales, elles avaient une discipline extrêmement militaire. Et puis, très rapidement, face au, à la naissance du syndicalisme dans l'éducation, se sont constitués des groupements, d'instituteurs qui se qualifiaient d'instituteurs patriotes. C'était un peu comme, c'était les grands papas de Florian Philippot, hein, dont le père est directeur d'école d'ailleurs. Ah. Mais voilà, donc il y avait ces bataillons qui font penser évidemment à la Ligue, aux Ligues nationalistes, de Déroulède, etc. Donc il y avait la volonté de travailler ces questions-là avec des personnels enseignants qui étaient à l'extrême droite, notamment Émile Bocquillon qui a publié un livre à l'époque qui a été vraiment un succès phénoménal qui s'appelait L'école patriote. D'accord. Enfin, c'était L'école sans patrie et lui il voulait. Et c'est. Faudrait que Zemmour il nous fasse le même, je suis sûr qu'il en vendrait beaucoup. Et donc on a cette. Voilà, cette dimension-là. Après, sur ce que tu disais par rapport au REP et à la question géographique. Alors, sur les nids intérieurs, ce dont parle Mathieu Rigouste, mais en fait, chez Rancière, on a exactement le même constat, à savoir qu'aujourd'hui, pour ces gens-là, l'école, ce qu'elle vise, c'est pas à enseigner des choses, c'est à se protéger de cet ennemi qui est devenu l'élève. Et là, on en a eu quand même une démonstration assez flagrante avec Jean-Michel Blanquer et l'ensemble du gouvernement, mais les médias aussi, sur cette traque, cette chasse au moindre incident. C'est-à-dire que, en fait, là, aujourd'hui, on a des remontées plus précises des incidents pendant l'hommage que des cas de virus, de contamination dans nos écoles. C'est quand même assez hallucinant. Hein. On a des faux chiffres du ministère sur les contaminations, par contre, sur les incidents. Et moi, donc voilà, c'est des élèves dont il faut se méfier, c'est des élèves dont il faut avoir peur. Les vagues d'attentats successifs qu'on a connues, elles ont renforcé ça. Oui. Les propos de Najat Vallaud-Belkacem à l'Assemblée après l'hommage à Charlie Hebdo, disant il y a des questions qui sont insupportables parce que des élèves ont posé des questions sur ces attentats, mais le rôle de l'école, c'est justement pour des jeunes en formation, c'est de leur laisser la possibilité de poser toutes les questions. Oui. Et une question, c'est pas un délit. Après, il y a la réponse qu'on apporte, il y a la manière dont. Mais donc ça a commencé là. Et moi, on l'a évité dans beaucoup d'établissements, mais le premier protocole sur l'hommage, il prévoyait de faire la lecture de la lettre tronquée de Jean Jaurès, de faire la lecture de cette lettre. Est-ce qu'on peut en parler rapidement? Ouais, je finis juste sur le. Bien sûr, pas de problème. Et de lire cette lettre dans un collège devant 600 élèves rassemblés dans la cour ou devant 1200, 1500 lycéens, c'était chercher délibérément les incidents. Un regroupement, il y aurait eu des rires nerveux ou pas, il y aurait eu des blagues, il y aurait eu c'est pas la même chose d'avoir cette discussion et cet échange dans le cadre de la classe, dans le cadre de l'éducation, dans le cadre de la pédagogie, et de le faire dans la cour où en fait c'est, moi je pense qu'ils voulaient déclencher un certain nombre d'incidents pour ensuite dérouler leur politique et renforcer les pratiques autoritaires. Alors oui, Jaurès, c'est super intéressant pour plusieurs points, parce que convoquer celui qui a été assassiné par son opposition au nationalisme, à la guerre, à l'extrême droite, etc., c'était quand même sacrément gonflé. Oui. Premièrement. Deuxièmement, le texte, il a donc la lettre, elle a été coupée. Et elle n'a pas été coupée sur des points anecdotiques, elle a été coupée en particulier sur un passage qui remettait en question l'évaluation permanente, les examens systématiques, la course au diplôme et au contrôle que déjà il pointait dans l'école de Jules Ferry. Et ça, c'est la politique de Blanquer à 100%, bien sûr. L'évaluation nationale. Donc on voit bien que là, il y a eu un coup de ciseau qui était délibéré, le coup de ciseau, c'est d'ailleurs les habitudes de la censure en période de guerre de la part de l'armée, donc on n'est pas surpris. Non. Donc voilà, par rapport à l'ennemi intérieur, il y a l'élève qui est devenu sais donc quoi on doit se méfier. Oui. Mais j'ai écrit avec quelques personnes au lendemain des attentats de Charlie Hebdo. C'est pas des élèves dont on doit avoir peur aujourd'hui, parce que c'était déjà à l'époque le climat qui se mettait en place. Sur les zones. Alors, oui. De la même manière que on parle des zones de non-droit où la République a disparu, l'école, il y a eu un reportage et un livre qui s'appelait Les territoires perdus de la République. Ah, ouais, au début des années 2000. Voilà, ouais, exactement. Donc on est dans cette même logique de ségrégation, de stigmatisation. Mmh. Et de mise à l'écart et qui est dans pour lesquels l'école est mise en première ligne. Mmh. C'est voilà. Ce protocole armé, ce qui est inquiétant, c'est qu'il suscite pas beaucoup de rejets ou d'inquiétudes de la part des collègues qui voient pas trop le problème. Évidemment, avec le SNU, là, le Service National Universel. Ça va se renforcer, oui. Et voilà, et puis parce que c'est l'école qui est chargée de le mettre en place, et puis surtout l'école qui est chargée de le financer. Ah. C'est-à-dire que la hausse du budget de l'éducation, elle est quand même grévée par les millions qui ont été pour financer ce SNU, qui ont été versés dans le budget de l'éducation, mais dont les établissements scolaires, je parle même pas des salaires des personnels, ne verront pas un centime. Donc là, il y a un choix économique et politique qui est dans la droite ligne du positionnement de Monsieur Blanquer. Mmh. Et puis parce qu'on est en marche, mais on est en marche quand même cadencée et militaire. Oui, absolument. Mais alors, moi, j'aimerais bien quand même qu'on vienne encore un tout petit peu sur ces histoires de REP et de REP+, parce qu'à la base, ça s'appelait pas comme ça, ça s'appelait ZEP, Zone d'éducation prioritaire. Pour le coup, déjà, je me souviens pas de la date de lancement de ce dispositif. Est-ce qu'on peut rappeler ça rapidement, sachant que du coup, c'est quoi ? C'est Hollande qui a changé le nom, qui a transformé les ZEP en REP, si je me souviens bien. En fait, on en a parlé, parce que c'est ça varie. C'est quand la gauche arrive au pouvoir, elle met en place cette politique de ZEP, de zone d'éducation prioritaire, qui est pas rien quand même, parce que jusque là, l'idée, toujours héritée de Jules Ferry, c'était un même traitement pour tout le monde. Bon. Et du coup, on évacuait la dimension sociale des inégalités d'accès à l'école, des inégalités par rapport à la réussite scolaire, etc. Et donc, en gros, le slogan, c'était mettre plus là où il y en a le plus besoin. Oui. Et ça, c'est... pourquoi pas sur le principe initial. En tout cas, c'était une mesure phare de 80 et de la gauche et du programme commun. Oui. Et puis une mesure qui s'est un petit peu, enfin qui s'est beaucoup même délitée, parce que évidemment, au bout du compte, les moyens n'étaient pas à la hauteur. D'abord parce que ça a été contesté aussi par à nouveau la droite, de la même manière que le collège unique, c'est leur bête noire. C'est vrai. Tout ce qui peut remettre en question un petit peu l'ordre social. La méritocratie, comme ils appellent ça. Oui, tout à fait. Et l'autre aspect aussi qui a ébranlé ce dispositif, c'est qu'il y a eu de plus en plus d'établissements qui sont rentrés, qui ont lutté pour y rentrer, puisque au final, ceux qui ne disposaient pas de ces moyens étaient vraiment dans la galère. Donc il y a eu beaucoup de luttes pour rentrer dans le dispositif, de plus en plus conséquent. Et du coup, il y avait le gâteau, il était de plus en plus réduit pour le partager. Le passage en ZEP, j'ai pas en mémoire exactement, voilà. Puis après, de la ZEP à la REP. Et puis on a décliné, donc il y a des REP plus, il y a des REP, des ZEP sans moyens, il y a des ZEP avec un peu plus de moyens. Et c'est quelque chose on voit bien, parce qu'on en est à 30 ans, là, 35 ans d'expérimentation autour de ça. Il y a deux manières de le voir. Si ça n'avait pas existé, c'est très probable que la situation, elle serait encore plus dégradée. Mais en même temps, c'est pas ce qui a permis de répondre aux besoins, sachant qu'il y aurait des solutions. Il y en a une qui demande une volonté politique, c'est la transformation de la carte scolaire. D'accord. Et le fait d'imposer la mixité sociale dans les établissements. Ouais. Ça, c'est, on sait que par exemple des pays comme la Finlande, qui sont mis en avant dans les études internationales, ils ont un système de cartes scolaires qui est extrêmement tatillon, qui est revu tous les ans en fonction des indicateurs sociaux. Mmh. Et à partir du moment où il y a un établissement, on va dire, qui se ghettoise, ou au contraire qui cumule les enfants issus des milieux privilégiés, la carte scolaire, l'année d'après, elle est revue. D'accord. Et elle est pensée, c'est très intéressant la manière dont elle est dessinée. En fait, c'est ce que Nico Hirt a étudié, c'est un découpage en camembert. Qui ça? Nico Hirt, c'est un chercheur, un militant belge, mmh. qui, de l'appel pour une école démocratique, il a beaucoup travaillé sur la marchandisation et la privatisation de l'éducation, mmh. en Europe notamment. Et donc le système de camembert de la Finlande, c'est comme chez nous, les centres-villes sont riches, mmh. et les périphéries sont des zones où on a relégué les populations ouvrières et prolétaires. Mmh. Et donc du coup, le découpage, il se fait avec la pointe au milieu, en élargissant vers l'extrémité. D'accord. Si tu prends un exemple, sur Paris, on va avoir une carte scolaire par rapport au quartier. Mmh. Et donc si t'habites dans l'île de la Cité, je crois, ce que tu me disais. Mmh. Non. C'est pas non. Ton adresse. Ah, d'accord. Et donc, dans l'île de la Cité, tu vas avoir juste la concentration des super riches, mmh. et avec leur propre école. Et puis, quand tu t'éloignes vers le 20e ou que tu passes le périph, ça va être la zone autour. Le découpage en camembert à la finlandaise, en fait, c'est d'avoir cette mixité, ce mélange, et ça veut dire juste, en fait, travailler sur les transports scolaires et pouvoir permettre ça. Mais c'est pas. Et ce qui est très intéressant, c'est que quand tu décryptes les analyses, notamment issues de PISA. PISA. Tu te rends compte, PISA, c'est l'étude internationale sur les niveaux scolaires, qui a une quinzaine d'années, je crois, à peu près, et qui compare les résultats scolaires, mais aussi les politiques économiques. Mmh. Donc, c'est un truc de l'OCDE, hein, c'est un instrument de gouvernance, comme ils disent, très libéral, etc. Mais on peut en tirer des. Quand on compare le système éducatif finlandais et le système éducatif français, avec des résultats. Par rapport aux résultats scolaires très très différents, parce que beaucoup plus homogènes au niveau de la Finlande que pour nous, mais en fait il y a la même chose par rapport à l'homogénéité des établissements scolaires. C'est-à-dire que si on prend le critère de résultats scolaires, mmh. et qu'on le croise avec le critère d'origine sociale des élèves, mmh. on voit que les établissements scolaires en France, il y a beaucoup d'établissements scolaires où les résultats sont très faibles et la concentration de classes sociales défavorisées est très forte, oui. donc des établissements extrêmement ségrégés. Mmh. À l'inverse, on a des établissements avec d'excellents résultats scolaires et une population issue des milieux favorisés. Donc on a ces deux pôles aux extrémités. Mmh. Alors qu'en Finlande, il n'y a pas du tout ça. La Finlande, on est au milieu. C'est-à-dire que les résultats de l'ensemble des établissements sont plus ou moins moyens. Mmh. Et la mixité est à peu près respectée. Et donc, on a une situation totalement différente. Enfin, graphiquement, c'est très, très... Visuellement, c'est très, très, très fort. Et on voit que c'est une question de choix politique. Et on retombe sur nos pattes avec cette nostalgie d'une école de la ségrégation sociale. Enfin, oui, on parlait des REP, des REP plus et des moyens. Il y a quelque chose dont on entend souvent dire, mais c'est bon de le répéter. Mmh. L'établissement le mieux doté de Seine-Saint-Denis, l'établissement oui. scolaire qui a le plus de moyens, est moins bien doté que le moins bien doté des établissements de Paris. D'accord. Et donc cette répartition qui est censée être moyen de réparer les inégalités, en fait, c'est un écran de fumée. Oui, complètement. ouais. Même si, alors après, c'est délicat parce que même si quand t'es prof en REP+, t'apprécies d'avoir 20 élèves, 20 ou 25 au lieu de 30. Bien sûr. Si jamais on faisait disparaître, on va pas revendiquer la fin des moyens qui sont attribués, parce que ce serait une vraie catastrophe. Bien sûr. Et voilà, il y a plein de choses complètement hallucinantes où on encourageait, par exemple, les collègues au bout de 5 ans à partir en leur donnant des points, alors que, au contraire, c'est la stabilité des équipes qui est décisive. Mmh. Et voilà, puis on fait des micro-primes financières, alors que le vrai besoin, moi je pense, c'est un besoin de temps. C'est-à-dire qu'il faudrait que les horaires de temps et de moyens, mais aussi de temps, parce que l'épuisement face à dans ce type d'établissement fait que c'est pas le même travail que par exemple au lycée Henri IV ou, ou au lycée Louis le Grand. Oui, ça, je veux bien le croire, ça. en fait, moi, ce qui m'intéressait, en fait, dans le fait de parler des REP, c'est que, ça peut paraître tout bête, mais dans les, comment dire, dans le jargon gouvernemental, la notion de priorité, elle est revenue, donc, pour l'école, par rapport à ces donc zones d'éducation devenues réseaux d'éducation prioritaire, elle est revenue par rapport aux ZSP, les zones de sécurité prioritaire qui se sont appelées pendant un temps les ZUS, hein, les zones urbaines sensibles et tout ça. Et il y avait eu aussi quelque chose qui a existé dans les années 60, 70, 80, c'était les zones à urbaniser en priorité, les ZUP. Et on note que, en général, les ZUP de ces années-là sont devenues ZSP aujourd'hui, pour certaines d'entre elles, et concentrent pas mal d'établissements, REP, REP+, etc. Moi, j'aimerais bien qu'on revienne quand même sur la carte scolaire dont tu as parlé, l'idée, qu'est-ce qu'il faudrait faire, du coup, pour toi, c'est qu'il faudrait homogénéiser la carte scolaire, c'est ça? Oui. Pour compléter un petit peu ce que tu disais, sauf erreur de ma part, là, on a les zones de reconquête républicaine. Oh là là, mon Dieu. Ah oui. C'était Castaner et ils étaient venus les inaugurer aux Mureaux, je crois. D'accord. À côté de là où j'habite. C'est les Mureaux, c'est... 78. Bah, c'est, ouais, c'est les usines Renault-Flin. Oui, ils sont en train de fermer là. Et ce qui est assez incroyable, c'est que à chaque fois qu'il y a un truc à balancer, annoncé comme ça, c'est toujours au Mureaux. Donc là, il y avait Macron qui était venu, Blanquer, voilà, il est revenu là au mois de septembre, je sais plus pour quelle connerie. Mmh. Et ce que disent les habitants des Mureaux, c'est que eux, ils ont la visite du ministre de l'Intérieur, la visite du ministre de la Justice, la visite du Premier ministre, ils ont jamais vu le ministre du Travail. Ben non. Et ça en dit assez long sur ce que les dirigeants voient de ces villes. Mmh. C'est que c'est des zones voilà où on faut envoyer la police, l'armée, la justice, etc. Mais la question sociale et celle du chômage, c'est pas leur priorité. Oui, donc tu me disais la carte scolaire. Oui, c'est un des éléments. Voilà, c'est pas anecdotique que ce soit sous Sarkozy qu'elle ait été abandonnée avec la possibilité d'avoir des dérogations de manière extrêmement facile. Et on voit très bien que t'as des établissements où t'as une concentration des gens issus de milieux favorisés. T'as des établissements, parce que les ghettos, ça c'est les sociologues des riches qui le disent mieux que moi, mais les ghettos les plus durs et les plus, c'est les ghettos de riches. C'est là où vraiment t'as des frontières, le séparatisme qui est à la mode, il est là. Et puis des établissements où t'as des consentements d'enfants issus de milieux de classe ouvrière, etc. Et qui pose un certain nombre de problèmes. Or, quand t'as un mélange et une mixité, c'est beaucoup plus intéressant pour les élèves d'abord, et puis en termes de travail et en termes de, j'allais dire réussite, j'aime pas du tout le mot, mais de résultats. Oui. Oui, moi j'aimerais quand même qu'on creuse, parce que regarde, homogénéiser la carte scolaire, introduire une mixité, d'accord, mais dans quelles conditions exactement? Parce que tu me dis que la carte scolaire, elle a été abrogée sous Sarkozy, c'est bien ça? Assouplie. Elle existe mais t'as plein de dérogations. Ah oui, ça c'est... C'est une évidence. D'ailleurs, c'est marrant parce que tu parlais des Mureaux. Quand Sarkozy était ministre de l'Intérieur, il était allé aux Mureaux pour je sais plus quoi exactement, mais parce que quand Sarkozy était ministre de l'Intérieur et quand Chirac était président, la mode, c'était un petit peu les interventions policières spectaculaires à 6h du matin filmées. Tu vois ce que je veux dire? Et ensuite, discuter dans les médias. Enfin, il y avait eu quelque chose comme ça au Tarterel à Corbeil-Essonne. D'autres choses sur la Courneuve, Évry, me semble-t-il, Argenteuil, évidemment aussi. Donc, tous des territoires que le ministère de l'Intérieur avait ciblés et continue de cibler. Bon, à l'époque, c'était pour faire la promotion de Sarkozy en vue de sa campagne présidentielle pour 2007. Aujourd'hui, c'est plutôt pour dire que le gouvernement est mobilisé contre l'insécurité, contre la délinquance, contre le séparatisme, l'ensauvagement et bien d'autres choses. Donc, est-ce qu'on peut revenir quand même rapidement sur cette histoire de carte scolaire parce que donc, d'après toi, comment est-ce qu'on peut tout simplement agir sur cette carte pour pouvoir homogénéiser un petit peu l'école? Parce que toi, ce que tu dis, c'est que il faut homogénéiser, c'est-à-dire introduire de la mixité à l'école. C'est bien ça? Oui. Mais alors, ça, c'est ce que je te réponds de façon technique dans le feu de la discussion. Moi, ce que je veux, en fait, c'est surtout la révolution et l'abolition des classes sociales et des inégalités sociales. Ça, c'est l'objectif. Absolument. Et la carte scolaire, elle pèsera pas lourd sur les barricades. Mais si on part sur une discussion un peu plus technique et puis sur l'actualité, c'est un des éléments qui est déterminant parce que si on veut, il y a deux choses. Il y a l'école, elle renforce les inégalités et elle est légitime. C'est les deux aspects des choses. Donc il faut lutter contre ces deux points. Ça passe par des pratiques pédagogiques hautes, ça passe par des moyens déjà, des moyens humains, des moyens matériels. L'État, là, avec la crise sanitaire, on se rend compte de l'état de délabrement d'un certain nombre d'établissements scolaires, enfin les fenêtres qui ouvrent pas, quoi, on nous dit d'aérer. Aïe. Pour éviter, mais t'as des fenêtres qui ouvrent pas dans les classes, t'as des classes où il y a une fenêtre ou deux maximum. Le manque d'espace, les normes pour l'élevage de poules, elles donnent plus d'espace que pour l'élevage de nos élèves. Donc en mètres carrés, les poules ont droit à plus de, tu vois, donc peut-être une éducation bio en plein air, ça serait pas mal parce que là c'est donc il y a déjà voilà des moyens financiers, humains, matériels, il y a du temps pour les équipes éducatives, pour les équipes pédagogiques, ça c'est très très important. Il y a les questions de statut aussi. Aujourd'hui le développement du personnel contractuel, il fait que on a des collègues qui osent pas se mettre en grève par exemple pour défendre leur sécurité sanitaire. Oui, parce qu'ils sont précaires. Parce qu'ils risquent d'être licenciés. On a la question aussi de la manière dont sont considérés les enseignants. Est-ce qu'on est des simples exécutants des injonctions et des directives du ministère qui nous transmet par BFM ou CNews, ou bien est-ce que on est des experts de notre pratique professionnelle? Ce qu'on est en train de faire là, c'est totalement interdit parce que la loi de Monsieur Blanquer sur l'école de la confiance, elle commence par l'article 1 qui interdit de critiquer l'école, qui interdit aux fonctionnaires de critiquer l'école. Donc dire du mal, c'est interdit. Et puis c'est ça rigole pas, c'est-à-dire qu'on a quatre collègues là à Mel qui ont été rétrogradés d'échelon, qui ont été déplacés d'office suite à une commission disciplinaire pour avoir participé aux mobilisations de l'hiver dernier dans les lycées contre les E3C. Donc ça aussi, contre ça contribue les épreuves anticipées, le nouveau bac. Ah oui, alors quand c'était pendant le mouvement des retraites, il y avait une mobilisation lycéenne contre ces épreuves mises en place par Blanquer. Qu'est-ce que c'est que ce nouveau bac O3C qu'est-ce que c'est? Alors ça c'est la réforme de Jean-Michel Blanquer qui vise à surtout casser l'unité et l'idée. C'est au cœur de notre discussion, l'idée qu'on puisse avoir le droit à la même éducation partout et pour tous. Donc ça complète le parcours sup. Si on n'est pas dans l'éducation, là, je suis en train de sommer les gens avec des sites, des réformes. Mais c'est quand on n'est pas dans l'éducation, on ne comprend pas, mais quand on y est, on comprend de moins en moins aussi l'accélération des réformes. Bref, donc un des éléments, c'est le bac qui était jusque-là le premier diplôme universitaire. Et donc, à partir du moment où on avait un bac, on avait sa place à l'université de droit. Oui. Ça s'est battu en brèche. Complètement. Et le recrutement, il se fait maintenant sur dossier avec des bacs qui n'ont pas la même valeur quand on est. On revient sur la carte scolaire, hein, quand on est en centre-ville à Paris ou en banlieue à Mantes-la-Jolie. Et une explosion des classes, des groupes classes. Donc il y a des options, il y a tout un tas de choses qui font que les épreuves du bac, elles sont tout au long de l'année maintenant. D'accord. C'est à la fois du contrôle continu avec des évaluations sur les résultats quotidiens des élèves, mais aussi des bacs décentralisés dans le temps, où on a des épreuves en mars, on a des épreuves en janvier, d'un certain nombre de disciplines. Et donc, ça met un bazar pas possible. Ça, je veux bien le croire. Oui. On peut revenir rapidement sur... parce que là, du coup, c'était en 2018, hein, la loi orientation réussite des étudiants. J'aime bien les intitulés de ces lois qui sont systématiquement l'inverse, en fait, de ce qu'elles mettent en avant et qui a introduit Parcoursup. Parce que là aussi, Parcoursup a encore accentué le processus d'inégalité en matière d'accès à l'université. Est-ce qu'on peut en parler brièvement, Grégory ? Oui, tout à fait. En fait, c'était ce que j'avais amorcé là sur le bac premier diplôme universitaire. On bat ça en brèche. C'était important pour les titulaires d'un bac pro, notamment, parce que là, ils sont complètement relégués et l'accès à l'université devient extrêmement difficile pour eux. Il l'était déjà avant. Oui, bien sûr. Et c'est ce que je voulais dire, c'est que après, c'est pas une question juste d'avoir un diplôme, c'est aussi la qualité de l'enseignement. Bon, on peut rappeler quand même qu'en les bacs pro, il n'y a pas d'enseignement de la philosophie. C'est réservé au lycée général. Oui. Et que oui, si on veut s'attaquer à l'extrême taux d'échec à l'université, c'est pas avec des algorithmes du type Parcoursup. Ça va être en résorbant la précarité, en augmentant les bourses, en ayant un accompagnement pédagogique là où il est nécessaire, et puis en entassant pas des centaines d'étudiants dans des conditions il y a quelques temps j'étais invité à intervenir auprès d'étudiants qui se destinaient au métier de professeur, d'ailleurs pour leur raconter un petit peu une autre histoire de l'école de la République et de Jules Ferry, mais à l'université de Saint-Denis, faut le croire pour faut le voir pour le croire, quoi. Délabrement, il est impressionnant, quoi. Ah, ça, je confirme. Voilà, je sais pas si tu la connais, mais les toilettes sous clé, bref. Et du coup, c'est des solutions. Des solutions, il y en a, et c'est pas, comme tu dis, avec des intitulés ronflants qu'on va régler des problèmes. Et puis tout ça derrière, c'est une question idéologique. Et peut-être ça permet de revenir aussi sur cette question de l'école des républicains, etc. Il faut et de Natacha Polony et de Chevènement, tiens, d'ailleurs, parce qu'en fait, le souverainisme qui nous vendent comme Dupont-Aignan ou d'autres, dans l'esprit du public, ils passent parfois, y compris dans leurs propos, par un discours un petit peu anti-libéral. On a ça chez Natacha Polony, Chevènement en particulier. Or, le néolibéralisme et la réaction et l'autoritarisme sont complètement compatibles entre eux. Et on le voit bien avec Jean-Michel Blanquer actuellement. C'est la Fondation Copernic qui a sorti un livre au titre que je trouve très juste. C'est Jean-Michel Blanquer, c'est un ministre libéral et autoritaire. les deux sont liés. Et pour les combattre, il faut pas qu'on oublie un des deux aspects. C'est-à-dire que notre combat contre la société capitaliste, etc., il est en cohérence avec notre combat anti-autoritaire et contre le renforcement de l'État, contre le nationalisme, etc. Les deux sont extrêmement liés. Et ce qui est intéressant, c'est que le néolibéralisme, alors je dois faire bien attention parce que c'est néolibéralisme, c'est un courant très très spécifique, justement sur autoritaire à ses origines, et contrairement au libéralisme historique et traditionnel qui visait la défense aussi des libertés individuelles, etc. Enfin, il y a tout un arrière-plan philosophique qui est pas inintéressant, mais le néolibéralisme, c'est la remise en question justement de ce versant, on va dire, humaniste, oui, du libéralisme politique et philosophique. Et ça, c'est dans les années 20 et puis surtout 30 après l'arrivée de la crise de 29. Et c'est un libéralisme autoritaire et dans lequel l'école, l'éducation est vraiment centrale. Là, il y a une universitaire qui s'appelle Barbara Stiegler qui a publié un livre il y a un an et demi qui s'appelle S'adapter, oui, sur la généalogie du néolibéralisme. Alors avec un monsieur qui s'appelle George Lippmann, qui est le penseur du néolibéralisme avant les Friedman et compagnie. Et le débat, il se joue face à un autre penseur, John Dewey, et c'est autour des questions d'éducation. D'accord. C'est-à-dire que tous deux se revendiquent du darwinisme. Pour George Lippmann, le darwinisme, c'est la victoire du plus fort et les autres doivent s'adapter ou crever. Bon. Et donc l'éducation, elle va avoir cette vocation de dresser les gens puisqu'ils sont complètement inadaptés au monde, à la mondialisation déjà à l'époque, que la crise de 29 a révélé. Mmh. Et donc l'école, elle doit dresser les gens, et dit ouais, il répond, mais non, mais ça, c'est une mauvaise interprétation de Darwin. Ce qui fait évoluer les espèces, c'est l'intelligence collective, c'est la coopération. Et lui, il a créé des écoles expérimentales. Il a beaucoup réfléchi aux questions d'éducation, aux questions de démocratie. Mmh. Et c'est ça qui joue, quoi, aujourd'hui. C'est d'un côté un modèle libéral, néolibéral autoritaire, que Macron incarne parfaitement. Absolument. Mais d'autres l'ont incarné. Première expérience, c'était le Chili de Pinochet, et puis après Reagan. Et puis le Chili de Pinochet. Oui, c'est là où sont expérimentées les théories de Milton Friedman, de ce qu'on appelle les Chicago Boys, c'est-à-dire les économistes formés sur les théories néolibérales, oui, et qui mettent en place un exemple très concret, le chèque éducation. Oui. Le chèque éducation, c'était la revendication de Le Pen pendant un certain temps, et puis de Jacques Attali aussi, comme quoi. Plutôt de Jean-Marie Le Pen, non? Parce que est-ce que Marine Le Pen a repris ça? Il me semble pas. Hein. Non. Mais par contre, on pourrait le trouver chez Marion. Maréchal. Oui, sûrement, parce que je me permets une toute petite parenthèse, c'est que Jean-Marie Le Pen, au niveau économique, était extrêmement libéral. Sa fille fait plutôt semblant qu'en fait, c'est pas le cas. C'est-à-dire, elle relook effectivement son discours sur le sujet. Et effectivement, tout ce qui est économique touche en même temps l'école. Donc, le chèque éducation, c'est une revendication de certains groupes, certaines personnes. Vas-y, je te laisse en parler rapidement, Grégory. Oui, c'est quelque chose qui est mis en avant. Alors, là, du coup, peut-être on revient un peu sur la cartographie, mais ce que j'ai appelé le pôle des intégristes ultra-libéraux scolaires. Alors, c'est bizarre comme ça, et au départ, c'est intéressant de faire une cartographie, parce que c'est pas comme un texte, en fait, tu dois visualiser et spatialiser les choses. Mmh. Et effectivement, tu l'as dit au tout début, hein, mais le modèle, c'était le travail des copains et des copines de la Horde. Et au début, j'avais quatre pôles, je pensais aux intégristes religieux, et puis aux gens qui sont pour notamment les écoles hors contrat, et le développement d'un marché scolaire tout azimut, où il n'y a plus de services publics, mais en fait c'est les mêmes gens, c'est rigoureusement les mêmes gens, et qui défendent à la fois cette école au service de la religion, et puis une libéralisation complète du marché de l'éducation. Qui consiste à la formule là du chèque éducation. C'est-à-dire que l'État, en ayant calculé le coût de l'éducation, verse symboliquement à chaque famille une somme qui correspondrait aux dépenses qu'il aurait mis dans le service public. Et cette famille, après, elle verse ce chèque à qui elle veut. Oui. et qui elle veut, ça peut être dans l'école à côté de chez elle ou loin de chez elle. Là, on retombe sur les problématiques de carte scolaire. Et puis, l'école qui, idéologiquement, qu'elle soit religieuse, qu'elle soit politique, qu'elle soit tout ce qu'on veut, correspond à ses attentes. Et ce chèque éducation, l'objectif derrière, c'est de casser le service public d'éducation. Et on parlait de Pinochet parce que c'est là où, pour la première fois dans l'histoire, il a été appliqué, il a été mis en place. D'accord. Et ensuite, effectivement, repris dans les programmes de Jean-Marie Le Pen. Aujourd'hui, c'est la bataille première de la Fondation pour l'école qui chapeaute les écoles hors contrat. Ça va de Montessori aux écoles religieuses intégristes. Et puis, on oublie, mais intégriste catholique, c'est quand même 10 à 20 fois plus d'écoles intégristes catholique liée à la fraternité Saint-Pie-X ou autre que d'écoles musulmanes. Et ce chèque éducation, il est revenu un petit peu sur le devant de la scène dans les années 2010 parce qu'il a été mis en place en Suède. D'accord. Alors, la Suède, on a souvent l'image du pays social-démocrate, etc. Mais il y a un gros virage néolibéral. Et donc, ils l'ont mis en place. Et le bilan, au bout de 10 ans, il est assez intéressant. Il y avait un article dans le Monde Diplo. C'est que dans l'enquête PISA International, là, dont j'avais parlé, il y a eu un effondrement des résultats des élèves suédois. C'est-à-dire qu'en termes de résultats scolaires, ça a été une vraie catastrophe. Mais ça a eu un effet extrêmement positif, qui est que, pour la première fois, il y a un réseau d'écoles qui est entré à la bourse. Ah, d'accord. Ça s'appelle Academia. Alors, c'est pas le même Academia que nos cours de soutien privés, individuels, ici. Et donc, petit à petit, ce chèque éducation qui a mis en concurrence les écoles, il y a eu la constitution d'un grand groupe qui a racheté au fur et à mesure, qui a créé ses propres écoles, qui a racheté celles qui existaient, jusqu'à devenir un groupe comme si en France on avait le CAC 40 avec la marque d'école bidule machin chose. C'est assez flagrant. Oui. Est-ce qu'on peut creuser un petit peu la Fondation pour l'école? Alors ça, je vois ça effectivement sur la cartographie. Oui. C'est quoi? C'est numéro 17, si je dis pas de bêtises. Alors à l'époque où tu l'as rédigé, c'était comment s'appelait déjà celle qui gérait cette fondation? C'était Anne Coffinier. Anne Coffinier. Voilà. Bon, elle n'y est plus depuis, soit dit en passant. Elle a créé une autre fondation avec Monsieur Darcos, l'ancien ministre de l'Éducation. Sous Nicolas Sarkozy, c'est celui qui avait succédé, je crois, à Luc Ferry et précédé Luc Chatel. Très proche du Club de l'Horloge. Oh là là, mon Dieu, le Club de l'Horloge, c'est le truc de Henri de Lesquin. Oui, exactement. Et de la nouvelle droite, quoi. Et de Jean-Yves Le Gallou, et même de, et même de Alain de Benoist. C'est génial parce que c'est des choses dont on a déjà parlé ici et dont on va continuer de parler. Donc, on est en plein dans le sujet. Est-ce qu'on peut... Alors, juste une chose, là, il est 18h19. Tu te posais la question tout à l'heure de savoir si les auditeurs et auditrices allaient tenir. Tu observes quand même que, vu tout ce dont on a discuté, c'est passé quand même relativement vite. Ça veut dire que là, en gros, dans 5 minutes, on rend l'antenne. Ouais. Donc, en gros, l'idée de ces 5 dernières minutes, si tu es d'accord, Grégory, ce serait du coup de creuser un peu sur cette fondation pour l'école, voir un peu son évolution, et à la toute fin de l'émission, moi, ce qui m'intéressera, c'est également que tu nous décrives un peu la situation par chez toi, alors du côté de Mantes-la-Ville, avec en plus le changement de municipalité qui, du coup, a vu le RN partir, si je comprends bien. Alors, voilà, pour ces 5 dernières minutes, focus, si tu es d'accord, sur cette fondation pour l'école, et on termine avec la situation du côté de Mantes-la-Ville. Ok, mais sur la fondation pour l'école, j'en profiterai pour, par rapport à la discussion qu'on a eue sur une émission antifasciste, en fait, on s'est rendu compte qu'on a beaucoup parlé de l'institution scolaire et de ses dérives nationalistes ou autoritaires et réactionnaires, et moins des groupes spécifiquement liés à l'extrême droite. Or, la Fondation pour l'école, elle en fait partie. C'est une émanation directe, en fait, justement, on en parlait, du Club de l'Horloge. D'accord. Et la volonté de créer un grand pôle qui entrerait en concurrence avec l'école publique à travers la création d'écoles hors contrat. Alors, faut savoir que il y a 3 systèmes en France. Il y a l'école publique qui doit avec des fonctionnaires qui respectent les programmes, etc., et qui est gratuite. Il y a l'école privée sous contrat, qui représente à peu près 20% des élèves scolarisés. Alors, elle perçoit de l'argent de l'État. Les personnels ont passé un concours, sont des fonctionnaires, etc. Ça, c'est et plus elle, Michel elle Debré, doit... si je dis pas de bêtises. Oui, exactement. Ouais. Et elle doit, en revanche, en contrepartie, respecter les programmes de l'éducation nationale. Et puis, le troisième modèle, c'est le modèle des écoles hors contrat, qui, elle, s'ouvre, il suffit d'être titulaire du bac pour ouvrir une école. Alors, il y a des contrôles minuscules. Ouais. Je vous recommande un excellent documentaire qui s'appelle « À la droite de Dieu ». Avec, c'était passé sur l'émission Infrarouge, je crois, de France 2, puis un livre du même Alors, nom. Alors, je t'arrête rapidement parce que ce documentaire, je l'avais vu. En fait, tu confonds, quand tu parles d'Infrarouge, tu confonds avec celui qui avait mis en avant les trucs Espérance Banlieue. Ouais. Ça, d'accord. Je l'avais vu. Hein. Et j'ai vu les deux docus. Espérance Banlieue avec Albéric de Saran, là, du côté de Montfermeil, qui est lié à la Manif pour tous. Et l'autre documentaire, c'était plutôt du Fraternité Saint-Pidis, éventuellement, quelque chose comme exactement, ça. Exactement, et le journaliste avait infiltré l'école. Bah... Il s'était fait embaucher. C'est vraiment très, très intéressant sur les gamins qui chantent des chants pétainistes. Ah, voilà, bref. Et donc, tout ça, donc l'idée, c'est de créer un pôle qui va devenir la Fondation pour l'école, qui soit un instrument de à la fois économique et politique, pour mettre en avant le hors-contrat et s'attaquer frontalement au service public d'éducation et à son idéologie prétendument de gauche. Mmh. Et les gens qui vont graviter dans le conseil d'administration, etc., les personnalités qualifiées qu'on y retrouve, elles vont brasser très très large au niveau des réseaux d'extrême droite, puisque ça va des nostalgiques de l'OS, avec une association qui s'appelle Secours de France. Je la connais. Horrible. Ouais, bah, eux, ils sont à l'origine de l'Espérance Banlieue. Hein. Mais quelle horreur. Ah oui, non, attention. Gros danger, cette association. Et aussi bien donc des anciens du Club de l'Horloge que des membres de l'Opus Dei ou que des membres de la Fondation de la Fraternité Saint-Pidis et puis l'autre, la Fraternité, je ne sais plus comment, qui est toujours intégriste mais qui a reconnu le pape. Et donc cette fondation pour l'école, son véritable succès, c'est qu'elle va obtenir, grâce à François Fillon, la reconnaissance d'utilité publique. Et oui. Ce qui veut dire que les dons qui sont versés à cette fondation sont déductibles des impôts. Mmh. Et encore plus quand il y avait l'ISF, c'était une machine à pas payer ses impôts. C'est quoi l'ISF ? Ah oui, l'ISF, excuse-moi. L'ISF, l'impôt sur les grandes fortunes. Oui, tout à fait. Et donc, cette fondation, c'est énorme, elle est reconnue d'utilité publique, donc elle touche des fonds de l'État pour combattre l'école publique. Et elle était dirigée jusque-là par jusqu'à il y a quelques mois, par Anne Cofinier, qui était une des figures de proue, une des porte-paroles de la Manif pour tous. Et cette fondation pour l'école, je vais très très vite, cette fondation pour l'école, elle a la brillante idée de com, de créer le réseau d'école Espérance Banlieue, puis là on renverra peut-être au site et aux travaux sur ce réseau d'école cauchemardesque. Et puis tu m'invitais à faire le lien avec Mantes-la-Jolie. Très vite, parce qu'il nous reste une minute. Qui est implanté effectivement dans le Val-Fouret à Mantes-la-Jolie avec l'appui financier et politique des barons de la droite locale, mais peut-être on pourra conclure là-dessus. Espérance Banlieue a été présentée par Jean-Michel Blanquer. Alors, c'était avant qu'il soit ministre, dans une vidéo au Sénat, dans un colloque organisé par Espérance Banlieue, animé par Natacha Polony. Sachant que la Fondation pour l'école, Éric Zemmour, Éric Nolot et Natacha Polony ont fait partie du prix que décerne cette... C'est pas eux qui l'ont eu, ceux qui choisissent de décerner les prix. Et donc, Jean-Michel Blanquer a présenté ses écoles Espérance Banlieue avec un uniforme, avec le salut au drapeau, avec la Marseillaise, comme étant le modèle de ce que devrait faire l'école publique en France. Fantastique. Tu me dis qu'ils sont implantés à Mantes-la-Jolie ? Oui, c'est l'école, le cours La Boussole. Il y a une quinzaine d'établissements en France, toutes dans des communes très très à droite. Tu parlais de Montfermeil. Bah, Montfermeil, c'était le vice-président du parti de Christine Boutin, Xavier Lemoine. Et qui est maire de Montfermeil, oui. Et maire de Montfermeil et grand ami aussi de Robert Ménard à Béziers. D'accord. Oui, c'est le cours Alexandre Dumas qui est implanté par là-bas. Voilà, qui ferme, qui a fermé. Ah ouais, pas plus mal ça. On pourrait expliquer pourquoi, mais c'est parce que financièrement, ils n'ont aucune viabilité. Ça fonctionne que grâce à des subventions des grands groupes du CAC 40. Hein. Famille Muliez, Auchan, Carrefour, enfin tous les groupes du CAC 40 financent ces écoles anti-publiques. Ok, alors du coup 18h26 sur Radio Libertaire. Alors Grégory, très honnêtement, j'aurais aimé que cette émission dure encore une heure ou une heure et demie presque, parce qu'on a encore avec pas mal. Bah oui, mais bon là du coup on va céder la place à l'équipe de Femmes Libres, hein, l'émission suivante. Écoute-moi, ce que je te propose, c'est que éventuellement tu repasses ici une autre fois. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Grand plaisir. Avec grand plaisir. Oui. C'est cool. En attendant, on va rappeler donc que tu es l'auteur de plusieurs livres sortis chez Libertalia, donc l'école des républicains et donc Pédagogie et Révolution. Tu nous l'as rappelé en début d'émission. La cartographie dont on a donc de ce que tu appelles la nébuleuse à l'assaut de l'école, l'école des républicains, on peut la trouver donc sur le site questiondeclasse.org tout au pluriel. On est bien d'accord et tout attaché évidemment. Voilà pour information. Sinon, pour nous, on se retrouve du coup dans deux semaines, hein, mercredi 25 novembre, normalement avec Mathieu Rigouste. C'est bien parce que du coup, on va pouvoir faire le lien avec pas mal de choses qu'on a abordées aujourd'hui. Je le saluer de ma part. Ah bah, on ne manquera pas de le faire. En attendant, du coup, l'émission pour nous s'arrête ici. Donc, je vous souhaite une bonne écoute des programmes sur Radio Libertaire, 89.4 FM en Ile-de-France, et sur le site anarchiste.info/radio/libertaire, et aussi sur le site radio-libertaire.net, puisque le stream refonctionne sur ce site-là. Donc, je vous invite à aller écouter, nous écouter à partir de ces supports. Et en attendant, je vous souhaite tout simplement une bonne soirée, et je laisse donc la place à l'équipe de l'émission Femmes Libres. Allez, au revoir à tous, salut et merci du coup à toi Grégory Chamba d'être passé aujourd'hui dans Actualités Antifascistes. Allez, au revoir, salut.